Allô? Allô? On passe cette nuit vers je ne sais où. Premier zoo, oui, je ne sais où, le premier zoo. Bon. On zoue à accrocher, OK, accrocher la Janice sur la superpuissance de la musique. Mais il n'y en aura pas ce soir de Janice, non. Peut-être dans les jours, dans les semaines à venir, pas les jours, parce que c'est ce jour-ci que ça se passe. Donc, le prochain jour, ce sera dans 7 dodo, parce que c'est à chaque semaine. Donc, dans une semaine, c'est 7 jours, si j'ai bien compris, 24 heures par jour et 60 minutes par heure et 60 secondes pour une minute. Je ne suis pas allé à l'école pour rien. Quel être intelligent que je suis. Tes questions se diluent soudainement dans l'infusion de notre confiance. Oh, ça, je la répète, je l'aime tellement. Tes questions se diluent soudainement dans l'infusion de notre confiance. Ça, j'ai écrit ça en 2019, le 26 mai 2019. Il commence sa croisière il est tard, je peux la faire, celle-là. Il commence sa croisière dans sa brassière. Encore une autre. Tu m'échappes un peu, comme dans ce livre de Duras dans l'été 80. Avez-vous déjà lu ça? Oh! Surtout que l'été nous quitte. Marguerite Duras nous a quittés. Mais le souvenir de ces livres nous colle encore au cœur et au corps. Mon doux, Laurent Voulzy sort de ce corps. Ensuite de ça, on va poursuivre, on commence le générique. Êtes-vous prêts? Comment ça, on s'en tape? C'est pas gentil, ça? Devant votre animateur, Rénal Gagné, qui, depuis tant d'années, fait errance rénaldienne, il se roule par terre de souffrance quelquefois avant de prendre le micro. Il est comme Brel, il vomit. Monte le volume et une la différence, car c'est parti. Mon kiki, oui, toute la vie a composé cette chanson pour toi. Merci, oiseau. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Qu'il est dur de défaire, j'en reste carreau. Dans ta ville frontière, sise au bord de l'eau, abruti de lumière, comme pris au lasso, je me laisse défaire de tous mes oripeaux. Des gestes d'orfèvre, ta vie de femelle, je te jure que je m'en fous. Le plaisir vorace dans l'impasse et alors. Ma vie vulgaire dans l'armée de l'air, je garde l'amour, c'est tout. Plus rien n'est en place comme tout s'efface, et alors je m'en fous. Voilà donc la disgrâce. Où sont les chevaux? Mon ami Pégase et la belle aux eaux. Oh, je n'ai plus de visage, je reste caché, caché dans ton ombre. plus rien du tout. Malgré les menaces, comme tout me lasse, je m'en fous, je m'en fous. Si dans tes bontés internationales, je ne vaux plus le coup. C'est l'adieu aux armes, l'oubli est en place, et alors je m'en fous. Redonnez-moi la lumière sur ce champ muet. Ce long chant de misère et de vanité. Comme tout est triste dans l'air, où tout est à côté. Ami, voilà ma prière, voilà mes péchés. Je suis dans l'espace, un temple de glace, je n'aime plus rien du tout. Oh, je m'en fous, je m'en fous. Je vis dans la crasse, je suis dégueulasse, et alors le chien de l'espace dans la glace n'aboira plus. Ouh, ouh, ouh. Quelle mauvaise blague! En fait, ça n'en était pas une. Jean-Louis Murat, auteur, compositeur, interprète, décédé le 24, jeudi le 25 mai 2023. Il laisse dans le deuil, bien sûr, la musique francophone. Qui l'a quand même souligné un peu partout. Au Québec, pas très connu, Jean-Louis Murat, malheureusement. Son album le plus connu et populaire et reconnu, c'est Dolores. Donc, tout ce que nous allons entendre cette nuit, c'est extrait de Dolores. La semaine prochaine aussi. Écoutez, j'ai beaucoup de difficultés à choisir les meilleures chansons de cet album-là parce que tout est bon, comme la majorité des disques de Murat. Tout le monde, bien sûr, quand décède un artiste ou quelqu'un que l'on connaît, ben on le valorise et c'est bien, mais c'est un être qui était quand même assez particulier. Il a fait un spectacle à Québec pendant le Festival d'été, à l'époque où c'était intéressant d'y aller au Festival d'été. On pouvait aller, au Pigeonnier. Aujourd'hui, ça s'appelle je sais pas quoi, je ne suis plus parmi les gens qui y vont, parce que à ce moment précis où où le festival commence et se termine, je m'en vais à Paris. C'est un peu plus intéressant, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avant, on pouvait s'installer sur l'herbe, au Pigeonnier ou sur les plaines, et voir l'artiste se pratiquer, hein, vérifier le test de son. Et je prenais des photos. Donc, j'ai pris Bernard Lavillier, j'ai pris Maxime Le Forestier, j'ai pris Alain Bachung, j'ai pris Noir Désir. C'était fabuleux. Aujourd'hui, ben, si t'as pas de bracelet, tu rentres pas. C'est bon. C'est une autre affaire. Il y en a qui aiment beaucoup ça. La majorité aime ça. Donc, je pense que je fais pas de tort au Festival d'été. Mais ça m'intéresse plus. Et Jean-Louis Murat était invité à un concert intime à l'intérieur. Et j'étais là. 300 personnes. Mais Murat ne voulait pas commencer son spectacle parce qu'il n'avait pas le micro qu'il avait demandé. Hey, nous avons entendu 60 minutes l'équipe a essayé de faire des pieds et des mains pour trouver le fameux Shure SM58, celui que j'utilise pour faire mon émission. Pourtant, il avait un micro tout aussi intéressant, mais d'une autre marque, et ça donnait le même phrasé, la même sonorité. Mais bon, pour lui, il était sans doute vendu à cette marque-là. Donc, on a attendu 60 minutes. Mais là, il a fait sa vedette. Mais malgré tout, ça reste qu'il a une voix suave, exceptionnelle, des textes très, très sensuels. Un être, peut-être qu'avec à 72 ans, il a changé. Un être sensible, oui. Sa musique en témoigne, ses paroles aussi. Donc, voilà, c'était mon petit... mon petit passage, longtemps après son décès, parce qu'en fait, c'est certain que les radios aussi au Québec ne s'en ont pas fracassé les oreilles tant que ça, à part la radio d'État puis CKRL, mais écoutez, c'est très, très rare. Pas que CKRL diffuse Jean-Louis Mourat, mais que on s'attarde à quelqu'un. Et bon, David Bowie, ça, c'était une histoire, et c'était planétaire. Mourat, c'est dans la francophonie. Donc, j'ai voulu rendre mon hommage à ma manière à ce grand Mourat. Donc, on va laisser une petite chanson. Puis après ça, on va rentrer dans l'émission Faites-vous-en pas avec la folie et tout ce qui caractérise l'errance rénaldienne. Alors, bonne écoute. Hey, si on veut, là, on peut faire de la radio classique. Là. Tout était bon, pas trop de gags, pas trop de personnages qui se sont entrecoupés. On a fait notre possible! Mais là, il a fallu que l'animateur se concentre puis qu'il parte pas en vrille, parce que facilement, lui, il est comme une poule pas de tête, là. Mais on nous fait croire qu'il en a une. Ça reste à voir. Ce jour, mon cœur se mit à saigner comme le lapin de Garenne. Qu'il vous fallut un jour égorger pour sacrifier à la haine. Court le renard, court la fiancée, non, nous ne vivions pas un rêve. Même si les frimas épargnent les blés, jamais ne cessera ma belle. Notre troupeau devait donner du lait au goût de réglisse et des rêves. Quand ce souvenir vient m'attrister, je pense à vous, personnage. Alors de la gaudive à la compain, on me jure que c'est sortilège. Que si Belzébuth habite mes reins, je peux dire adieu à personnage. Peine perdue pour aimer mon prochain, je ne suis plus que congère. Mon âme triste c'est tire au loin, comme c'est tire au loin la jachère. Rien n'est important, j'écris des chansons comme on purgerait des vipères. Au diable mes rêves de paysan, je ne veux plus que cesse la neige. Si un jour béni qu'à Dieu ne plaise devait voir cesser nos misères, votre ascension, mon adoré, nous aura plongé en enfer. Vous venez d'entendre la qualité Murat. Murat, Jean-Louis, ce son est épatant. Malheureusement, il vient de nous quitter, mais ses albums nous restent toujours collés au tympan. Tympan, tympan, tympan, en pleine nuit, une sirène. Non, c'est pas de Jean-Louis. Sinon, comment ça va en ce beau 1er août? Quelle mauvaise liaison. 1er août. Où sommes-nous? Que cherchons-nous? La terre tournera sans nous délire, nos rêves fous, et sans ce corps qui fut toi. Non, mais ça fait plus nous, là. Fausse poésie! Que cherches-tu? Que veux-tu? La vie n'a pas vu ses qu'elle a voulu. Et monsieur, tu t'es... Ouais, je me suis enfargé le pied dans la consonne qui m'embrassait la voyelle. Et c'est comme des ventouses après une pieuvre. Avez-vous déjà mangé ça, de la pieuvre? En parlant de pieuvre. Déjà là, tu la regardes, ça n'a pas l'air nourrissant, puis ça n'a pas l'air alléchant. Ben beau chercher, tu sais, à lécher la ventouse, là. Mais tu te dis, voyons donc, ça doit être caoutchouteux. Effectivement, c'est caoutchouteux. Effectivement, si tu es un mauvais cuisinier, ça ne sera pas mangeable. Mais la ventouse de la pieuvre, croyez-moi, c'est dégueulasse. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, tout ce qui sort de l'eau, je l'ai déjà dit là, il n'y a pas si longtemps, tout ce qui sort de l'eau, hormis la sirène, j'en mange pas. Mais de la sirène, j'en mangerai. Mais on ne m'en a jamais apporté. Amenez-moi une sirène sur un plateau d'argent. Vivante, s'il vous plaît, je la veux vivante, là, la sirène. Voyons donc, toi, là, pas un Walt Disney, lâche-moi le Walt Disney, toi, là, Mickey Mouse, les oreilles. J'en ai ras-le-bol, moi. J'en ai ras-le-bol. Quand tu t'en vas hein, à Euro Disney, comme à Walt Disney aux États-Unis, eh, monsieur, tu reviens hein, après 4-5 jours, tu veux plus voir d'oreilles de ta vie. Les grandes oreilles noires là, de Mickey Mouse, puis de je sais pas comment, là, Al Mouse, puis mosse-moi plus le tympan, puis lèche-moi pas là. Non, Mickey Mouse. Moi, Donald Duck, je le trouve super sympathique. Ah, oh, je le nie, mais regardez, moi j'imite n'importe qui. Donald Duck, je ne sais pas, je connais sa voix, mais Mickey Mouse, c'est quoi? Je sais pas, Mickey Mouse. Mais en fait, moi, c'est Bumbo l'éléphant volant. Ah, ben là, je sais, vous vous dites pas Bumbo. Non, c'est Bimbo. Mais non, c'est Dimbo. Bimbo. C'est une chanson, ça, de Alice Robby. Ting, tang, Bimbo, limba, bim-bam, bim-bam. Non, c'est Bimbo. L'éléphant volant. Mais Walt Disney, ah, mon Dieu, il s'incruste. Hein? Puis même s'il est congelé, c'est pas vrai. Walt Disney, là, il est pas congelé. On vous a monté un bateau, comme le chante si bien Jerry Boulet. Ah oui, tout un bateau, parce que... Non. Il n'est pas dans le réfrigérateur, encore moins dans le congélateur. Il n'est pas dans aucun moteur réfrigéré. Il se trouve 6 pieds sous terre, il rit encore. 6 pieds sous terre, il y croit encore à son Walt Disney, même si ça fonctionne moins qu'avant. Euro, ils en ont coupé. Ils ont coupé 2-3 volets. Là, c'était grand, c'était gigantesque. Puis là, ben, ça fonctionnait pas trop. Puis aujourd'hui encore, tu sais. Quand il n'y a pas de diffusion de Mickey Mouse à la télévision, là, on appelait ça nous autres quand on était petits, les bandes dessinées. On dit encore, les bandes dessinées, hein? Bon, moi, récemment, on m'a dit, j'étais une bande de jeunes à moi tout seul. J'étais une bande de jeunes, je me fendais la gueule. Tant mieux. Moi, j'aime ça me fendre la gueule. Je me la fends tout seul, moi. Là. Parce que, en fait, à un certain âge, la peau commence à chercher. Puis Puis plus je cherche, plus ça casse. Puis plus ça casse, mais plus ça s'émiette, plus ça s'émiette, plus ça tombe en poussière. On dit, hein, tu retourneras en poussière. Mais moi, quand je suis né, je n'étais pas en poussière, moi, là. J'étais tout gluant, là, tu sais, je glissais dans... J'ai glissé partout, moi. Ah, mon, hey, le docteur a essayé de me rattraper. J'ai glissé dans ses mains. Je suis arrivé à la tête sur le bord du lit, ben, en fait, tu sais, en métal, là. Parce que dans certains, tu sais, moi, à l'époque où je suis né, on savait pas, là, comment faire venir un enfant dans l'osmose de la vie terrestre. Et aujourd'hui, la femme peut prendre un bain, et là, en plus, pour la femme, c'est beaucoup moins douloureux. Elle peut expulser son enfant dans l'eau, et c'est comme si c'était la suite de la fuite. Pff, l'enfant sort. Oh, mon Dieu, oui, non, j'ai là, pff, déjà là. Il se voit aux Jeux olympiques, il n'y a pas de casse de bain, là, mais il se débat, il pleure pas, là, il est dans l'eau. Il croit qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Mais là, il trouve que l'eau est pas pareille. Puis il y a plus grand, là. Ses doigts peuvent jouer là-dedans. Puis en plus, là, pour l'infirmière, il se lave pas. Tu sais, il est en train de s'auto-laver. Ça, ils ont pris ça, hein, sur les voitures. Ils se disent, voyons, donc si une voiture rentre, là, dans un cylindre, puis qu'elle ressort, tu sais, elle arrive sale ou gluante, peu importe, là, gluante ou remplie de sable, puis quand elle ressort, elle est toute propre. Bon, on va faire ça avec l'enfant, on va le mettre dans le bain. On va mettre la femme dans le bain, OK? Ben là, déjà là, elle est zen. Elle mange son tofu heureuse. Mange pas de viande. Elle adore les légumes. Elle a un potager chez elle. Ah oui, elle fume pas. Elle boit pas. Elle prend des tisanes. Elle est bien contente. Ah mon Dieu, elle écoute du Zemfir, du Jean-Louis Murat. Pourquoi pas? Même si Jean-Louis, le tofu, puis... de l'eau minérale, pas du tout. En tout cas, peu importe. Et puis, donc, cette dame-là, la jeune mère, ou la vieille mère, tu sais, la vieille mère, est-ce qu'on peut parler de vieille mère? Quand tu as un enfant à 50 ans, t'es pas vieille. Quand tu as un à 60 ans, là, un enfant, là, c'est risqué. Mais moi, comme je suis pas médecin, je vous lance ça comme ça, j'ai entendu ça à travers les branches. Qui, au mois d'août, commence à casser dans mes oreilles. Ah, bon, d'où la branche qui casse au mois d'août. Ah! Puis, hey, Aznavour, là. L'été au mois d'août. Faudrait que je la fasse jouer. Ça serait bon, hein? L'été au mois d'août. En tout cas, la mer s'envoie dans l'eau. Hein? Elle pénètre. Encore une fois, mais pour expulser l'enfant. Puis là, le petit, là, il est presque prêt, la tête est là. Au moins, c'est pas un fessier, c'est pas si pire. Parce qu'un fessier, tu peux pas faire ça. Faut vraiment avoir un médecin qui travaille pour rentrer la main, tourner l'enfant, essayer de l'avoir par la tête. Puis là, pour les enfants les plus anarchistes, quand il présente le fessier, il longe un petit verre, après ça, il rentre dans le dedans, puis il revient par la tête, tu sais. Ah, c'est des nouveaux humoristes. Ils ont même pas fait l'école de l'humour. On a parlé de l'école de l'humour. Pas besoin avec ça. Juste présenter le siège, pouf, il repart en dedans, puis il revient. Jeux olympiques, là, ça serait un 10 sur 10, ça, là. Ben oui, c'est une queue de poisson. Puis devant, malheureusement, là, le côté juridique, ça fonctionne pas, là. Oh non, c'est infraction. Une belle infraction, là, qui coûte très cher. Une queue de poisson. Avez-vous déjà fait une queue de poisson, vous, monsieur? Non, pas parce que vous aviez un enfant à faire naître. Vous n'êtes pas un homme enceint, j'espère. Vous aimez trop les seins pour ça. Un homme enceint aime trop les seins. Non, on comprend pas, okay, pas. Et puis, faut pas, fauchez-vous pas. Mais c'est de l'humour simple. Simple et pénible, bon. Déjà là, quand elle dit ça, là, elle aime pas trop l'émission. Elle veut déjà, là, la torvée. La torvée, tu sais, quand tu dis, là, ça tourne, torvée. J'aime bien ce mot-là. Le gars qui me l'a fait connaître, c'est André. André Moreau, le jovialiste. Je ne savais pas avant que ça existait. j'avais 18-19 ans, il est passé à une radio commerciale parce qu'il était un grand ami de l'animateur en question. Que je nommais en question, parce que... Pourquoi je dis en question? Je n'ai même pas parlé de cet animateur. Et mais ça faisait des maudites bonnes émissions. Moi, j'enregistrais ça sur cassette. J'écoutais ça souvent. Je trouvais génial, André Moreau. Je parle au passé, mais il est encore vivant. Ah oui, j'aimerais ça le rencontrer. Puis ça, j'ai passé à un cheveu de perdre mes cheveux. Non, un cheveu de le rencontrer. Puis, ouais, j'avais trop de travail, puis tout ça. Puis, bon, puis appeler une de ses femmes, laquelle, aujourd'hui? Ah, oh, mon Dieu! Il y en a combien de femmes, Moreau? Il est rendu à quel âge? Non, décomposez pas son âge, là, son véritable âge. Il a l'âge de raison. Bon, il n'a jamais raison. Il y aura toujours des individus et des individus qui seront à l'encontre de ce gars-là, mais moi, je trouve que c'est un humoriste hors pair, André Moreau. C'est un jovialiste, un philosophe qui a étudié. Ah, oh, mon Dieu, il a étudié là-bas. Ah, oh, comment ça qu'il n'a pas étudié ici? Il est parti là-bas. Bon. Pour revenir ici, heureux. Et nous faire croire que... Non, excusez-moi. Pas nous faire croire, mais se vanter d'avoir étudié là-bas. Hey, c'est bien mieux, là. Je connais des animateurs. Hey. Je connais, moi, des animateurs qui produisent et puis qui ils font quoi? Donc, ils produisent, réalisent, puis mise en onde, tout machin truc, tu sais, toute l'infrastructure, tout ce qui fait une émission de radio, là. Dans une émission d'État, là, il faut 4-5. Là, ça a peut-être diminué à 3. Derrière la console, le gars derrière le micro, puis celui qui calcule le temps qui reste. 3 minutes, coupe 3 minutes, arrête de parler. 3 minutes, hey, 2 minutes. On dirait un arbitre à la lutte. Mais en tout cas, peu importe. Ici maintenant, recueillons-nous. Êtes-vous prêts? On va faire comme si on plongerait. OK? Donc, on a la tête hors de l'eau, puis on va se pincer, puis on va descendre dans l'univers du chanteur, auteur, compositeur, interprète. On y va? Pas de mots. Plus de mots, de sensations, rien de neuf. Plus de rêves à partager dans les coulisses où tu m'entraînes au secours. Faut-il, amour, que je devienne salaud? Coude à coude, plus très loin, au final. Inédit. Ohé, l'âme des fausses plaines, au secours, ô Margot. Faut-il, amour, que je devienne ta loupe? Pas de bruit sur la mort de Jean-Louis, presque rien sur ces vertus d'Arlequin. Le givre brille à ma fenêtre, tu es loin, ô Margot. Amour, amour, ma muette. pas, c'est vite. Roule pas, c'est là. Bang! On est arrivé directement sur l'écran. Parce qu'on allait voir un film dans le dernier endroit où on diffusait ce genre de spectacle que l'on appelait un cinéparc. Parce que mon ami Jean-Louis était derrière le volant. C'est mieux d'être derrière qu'être devant. Parce que si t'es devant le volant, ça va pas très bien. Si t'es derrière, déjà, t'es dans la voiture. Là, je sais que ça plafonne. Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Non, je t'offrirai. Oui, je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. Je croiserai ta bouche. Pardon? Je sais que c'est pas les paroles, mais faites-vous-en pas. Si vous auriez pas fait un cri, Madame Tremblay, tout le monde se serait incorporé à mon texte. Mais là, à cause de vous, nous allons arrêter ici, non pas l'émission, quoique c'est déjà bien entamé, là, 32 minutes et quelques secondes. Mais c'est pas grave. Non, je ne vous en veux pas. Vous êtes une femme comme ça, impulsive, heureuse, hein, souriante et ricaneuse. C'est une ricaneuse, elle, là. Une ricaneuse pèteuse. Hein, ouais, on a parlé tantôt, là. Le petit qui... Hein, avez-vous suivi l'émission, vous, là, là? Il y a toujours un lien avec ce qu'on a fait, là. Ce qu'on fait, c'est pour quelque part un bon et bon et bon. Je la connais, la chanson, mais je ne veux pas la faire au complet. Un grand train bleu, un grand train noir, on prend toujours un train. Mets ta main sur l'oreille. Pourquoi? Mais pour faire comme Gilbert Lécaud. Gilbert, il était dérangé. Mais pas dérangé, mais il était... Mais pas dans la tête, dérangé par les musiciens qui chantaient autour de lui, puis les instruments qui croisaient tout ça, puis c'était le Capharnaüm. Là, le Capharnaüm, là, c'est pas né à Tombouctou, là. Capharnaüm. Quand tu le prononces, tu le dis pas comme ça. Mais comme je fais de la radio, à mon émission, je peux dire les mots comme je le veux, quand je le veux, dans la formalité que je veux la mentionner, puisque je suis l'auteur, le créateur de ce que je vous propose actuellement. C'est comme mon petit dernier. Ah, bon, Jonathan Pinchot, un peu fret. Mais non, un peu chaud, parce que, malheureusement, il a voulu jouer au ping-pong. Mais pas le ping-pong, là, avec deux raquettes puis la balle, là. Sur la télévision. Puis là, c'était un vieux jeu des années 80. Vous savez, là, deux barres puis même pas une boule. Ça semblait même pas une boule. C'était un curseur. Puis là, il aime ça jouer à ça. Puis, hey, aujourd'hui, en 2023, là, on est rendu avec des affaires en 3D, puis la simulation, puis on croirait vraiment que la personne est là, que le joueur de tennis frappe sa balle. C'est le hockey. Les joueurs, ils ont l'air plus vrais dans les jeux qu'à la télévision. Hey, monsieur, ils ont travaillé fort là-dessus, mais lui, non. C'est deux barres, puis un curseur. Là, il est bien heureux. Ah, mon. Parce qu'il sait twister pour, tu sais, contrarier l'autre. Puis, il gagne, il est bon là-dedans. Il est très bon. Mais j'ai dit, là, j'aime bien ça quand t'es pas de ton temps. Parce que ça te prouve qu'il y a des enfants qui s'intéressent à des choses un peu plus primaires, même s'ils sont secondaires. Primaire, secondaire, tertiaire. Non, tertiaire, il n'y en a pas. Hey, t'as-tu entendu ton jeune dire, hey, moi, là, je suis à l'école tertiaire. Ah, ben, on apprend des affaires. On apprend des affaires, mais, tu sais, là, c'est un peu le côté sombre de l'éducation. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, tout simplement, c'est des études que l'on ne doit pas apprendre à tout le monde. Donc, c'est une minorité qui connaît ce que l'on apprend. Par exemple, là, je sais que je dis assez cruel, mais ça ne me dérange pas, puisque c'est public, mais on s'imagine que la majorité ne s'y intéresse pas. On parle beaucoup des gens qui nous surveillent. Là, je parle pas des caméras. Je parle des gens qui sont en haut puis en bas. Les intras puis les extras. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'eux autres, là. Fait quoi, au moins trois semaines? Les intraterrestres, c'est ceux qui nous regardent en dessous. Les extras, c'est ceux qui nous regardent en haut. Ça n'a rien à voir quand tu commandes une pizza puis tu veux un extra fromage. Non, non, non, non. Hein, il est drôle, hein? On dirait qu'il a fait l'école de maman. Moi, j'ai fait l'école de du glamour. Ah, du glamour? Ah, mon Dieu, où ça? À Buéquette. À Buéquette. C'est où ça, à Buéquette? C'est au Québec. Ah, Buéquette à Québec. Je n'ai jamais entendu Buéquette à Québec. C'est dans quelle région? C'est la région que tu veux. Oh! Tu laisses libre cours à mon imagination? Oui. En as-tu? Si j'en ai. L'imagination, j'en ai partout. Ah, mon Dieu! Tellement que... Hey, dans mes sommeils, oui. Mais faudrait, oui, dans mes sommeils au pluriel. Parce que moi, j'ai pas un sommeil, j'ai des sommeils. Je me réveille plusieurs fois et quand je me rendors, je rêve à autre chose. Ou je continue, puis j'agrémente. C'est fou, c'est fou. Donc, je vis autant lorsque je dors, puis je dors pas souvent, vous le savez, que lorsque je vis des choses réveillées. Ou éveillé, pas réveillé, éveillé. Quoique, ça réveille en moi des... Parce que je me demande si je l'ai vécu ou si je l'ai rêvé. Là, il y a des choses qui m'arrivent à l'esprit, mais je ne peux pas vous en parler. Non, non, ça reste dans l'intimité. Puis, ah, non, non, non, j'ai pas fait mal. Ben, voyons donc, mon poisson rouge, hey, je l'aime comme ça. Je compte des blagues, là, parce que quand je vois qu'il devient un peu pâlotte, hein, ben, avec le temps, tu sais, puis souvent, quand je lui mets deux sus sur les deux côtés du bocal, je pourrais en mettre quatre sus, hein, sur les quatre côtés, mais non, non, j'ai dit j'en mets deux, je vais le mettre stéréo, pas surround digital Dolby, on va le commencer relax. Et puis, j'ai fait jouer avec le temps. Ah, mon Dieu, il blémit. On dirait blémit, blémit. Puis là, il commence à... Ben, j'allais dire à voler. Il commence à nager, là, sur le côté. Puis presque... presque sur le dos. Puis après ça, je le regarde. Je dis, non, non, c'est une blague! Une blague! Puis là, il se réveille. Il a toujours les yeux ronds. Il a toujours les yeux ronds. Mais là, il rougit. Puis là, je dis, hey, va te dire une affaire, là. Tu m'as fait peur. Je pensais que tu allais me quitter. Lâche-moi pas. T'es seul à connaître mes numéros de... Oui, mes numéros de carte de crédit. T'sais, mes nips. T'sais, j'en ai-tu des nips? Ah, mon Dieu. Je nip. Puis je prends jamais le même pour... Parce qu'on dit, hey, change de nip. Si t'es sur Hotmail, change de nip. Si t'es sur Facebook, change de nip. Si t'as une combinaison sur ton scooter, change de nip. Là, à un moment donné, quel est le nip qui est là? J'ai 50 et 60 et... J'ai comment? J'ai 52 ans, moi. À 52 ans, tu commences à aimer sur les nips, puis ouais, donc, bip, bip, ah ouais, là, Box Bunny, bip, bip, hey! Lâchez-moi les numéros, puis les codes, puis hey, des fois, c'est compliqué, là. C'est pas 1750, KGB, 5312, non, il faut mettre des points d'interrogation, des plus grands que, des monsieur, des points d'exclamation. Mais moi, devant tout ça, là, je place un point final. Je voudrais de toi de l'eau, des vitamines, un baiser. Avance, viens mon dragueur de mine, mon bébé. Nacré ou lilas, viens iser sur moi ta beauté. Abandonne-toi, éprouve au fond de toi le baiser. Ta bouche vend ce que dure la gaieté. Apprends, veux-tu, la boue et le diamant de ton nez. Bon soufflet sur des milliers de brasses mouillées, qu'on ne compte plus que la cire poivrée du baiser, du baiser. Je veux simplement parler des petits oiseaux. Oui. Pas version Zachary Richard, là, tu sais. Les oiseaux, sont partis des jours de vie. Les moineaux. Les oiseaux. Ah, c'est beau, les oiseaux. C'est beau, là. Le matin, c'est moins beau. Surtout quand t'es comme moi, là. Comment je suis? Ah, je suis ce que je suis. Non, je ne le ferai pas. Ils ont peur de rien entendre, hein, la belle. La belle, la très belle. Comment qu'elle s'appelle, la belle? Voyons donc, il y en a-tu des belles? Ah, mon Dieu, la belle Juliette. Juliette de trop de jamais assez d'écho, Juliette Gréco. Ah, c'est comme Gilbert Bécaud, mais c'est une femme, Juliette Gréco. Bécaud-Gréco. Ça serait bien en duo. Hey! M'a appelé Juliette Gréco, puis m'a appelé Gilbert Bécaud. Je dis, faites un duo ensemble! Comme Bécaud avait fait avec Martine Sinclair. L'amour est mort! N'en parlons plus! Chacun sa route! Chacun sa rive! Gilbert aurait-tu aimé toucher la belle dans mon... Je pense qu'il s'y a rien passé, mais. Oh, tu vas! On dirait Renault. Ah, ben, Renault, avant qu'il soit Renault. En tout cas, peu importe. Et puis, donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, les oiseaux, on les aime, les oiseaux. Le matin. Moi, qui je suis pas un gars du matin. Ah, pas un gars du matin. Je suis même pas un gars tout court, mais pas une femme non plus, pas une fille. Je suis personne. Mon nom est personne, moins que personne. Je suis un arien qui cherche son chemin. Je suis un arien qui trouve rien. Non. Je suis... Comment je suis? Refais pas, Juliette Gréco. Et puis là, bon... A changé de numéro de téléphone, là, comme Barbara avait pu se faire appeler. Ah non. Puis en plus, là, elle a de la misère à décrocher. pas de la vie, mais décrocher le téléphone. Parce que... Ouais. Et puis, qu'est-ce que... Non, parce que j'ai des idées. Fait que... Des idées que je peux pas vous divulguer. C'est censuré, cette émission-là. Ça paraît pas, mais c'est censuré. Les oiseaux. Fait que moi, qui suis un travailleur acharné sur la vie et sur les autres, je me réveille un peu trop tard selon certaines, mais c'est certain, hein? Voyons donc, c'est ça. Ça me dérange pas, moi. Vis ta vie avec la vinaigrette que t'aimes bien déposer sur l'existence. Moi, je vais vivre la mienne en mettant de l'amour et de la mayonnaise. Il y a de la différence entre la mayonnaise puis quoi donc, de la crème à salade, quoi, de la sauce à salade. Jamais vu de différence. Excuse-moi, là. On peut te la faire comme tu veux, là. C'est du vinaigre et puis on prend une fourchette puis on fourchette là-dedans avec avec de l'amour puis ça vire en mayonnaise. Ah, mon Dieu, la vie est mayonnaise. Mais là, qu'est-ce qu'il voulait dire, l'insignifiant, là? Il partait là-dessus, là. Ah, mon Dieu, il est comme ça, lui, hein? Il faut pas trop qu'il... Quand il change de route, il revient plus. On appelle ça errer. C'est pas pour rien qu'il s'appelle errance rénaldienne. Sinon, ça s'appellerait en ligne droite vers un chemin connu. On sait pas où on s'en va, puis on s'en fout parce moi, je me dis que le public, s'il écoute ça, s'il trouve une satisfaction à se déloger là, de tous les concepts cartésiens. Parce que le cartésianisme, à un moment donné, là, mon Dieu, ça fait des coins carrés. Puis le carré, on aime ça, le carré, mais le rond, puis même l'ovale, puis l'ovule. L'ovule, on a parlé de l'ovule. Aujourd'hui, on a parlé de la naissance d'un enfant par le siège, qui proute, qui rentre à l'intérieur, qui se présente par la tête. On a parlé aussi au début de Jean-Louis Murat. Ah non, on fait de la rétrospective, là. On fait comme Guy Bedos, là, à la fin de son spectacle. Il fait une récapitulation. Ouais, mais je sais pas si à la fin, il récapitule encore. Moi, je l'ai écouté dans 3 spectacles, à peu près, là, sur DVD. Et puis, j'ai pas pu avoir la chance d'avoir les 12, tu sais, l'intégrale, parce que ça coûtait un peu cher à ce temps-là. Puis, j'avais pas d'argent. Puis, aujourd'hui, hein, oh mon Dieu, j'ai dû vouloir, mais pas de pouvoir. Puis, la vie est belle. Et donc, Jean-Louis Murat, mur à mur. Là, on est rendu dans le grenier. Dans le grenier, c'est quoi pour tout le monde, là? Non, non, mais la symbolique du grenier, c'est le souvenir, c'est la tête, c'est la connaissance. Mais en même temps, c'est pas une chanson du grenier, ça. Non, ça, c'est une chanson du sous-sol. Ben oui, ça fait danser, ça donne un peu de rythme. Donc, ça, c'est la chanson du sous-sol, excusez-moi, pas du grenier. Non, on sent le sous-sol. Ah, c'est le fun. C'est du bois flottant. On va peut-être monter dans le grenier, là. Laissons-nous aller avec Jean-Louis Murat. Ou Murat. Mais ça, tu sais, il y a Murat, il y a Murat. Il y a Jean-Louis, puis il y a Jean-Louis. Donc, choisissez le Jean-Louis que vous voulez, Madame Tremblay. Comment? Choisissez. Non, Renan, il dirait, lui, choisissez, mais bon. Il n'est pas là. Il est parti aux toilettes. Il s'est enfermé. Puis, il ne veut plus parler. Alors, on dit qu'on... Il dit souvent qu'on est des travestis. On travestit Errance Renadienne. Moi, je vois ça autrement, moi. Moi, je dis, on enrichit. Bon, travestir, enrichir. Bon, et on va laisser bouder. Il aime ça, le boudin. C'est pas vrai, il y a eu ça, on l'a entendu parler, il y a eu ça, le boudin. Mais il adore une chose. C'est quoi? C'est de l'andouillette. Oh mon Dieu, andouillette. comme leur Jim, comme le Mikado. Oh. Oublie cette histoire de tétine. Oh, aime-moi. Aime-moi. Une erreur, quelle erreur, Miss Begin. Allez, on dodo. Prions, prions, prions, Saint Amand. Prions, prions, Saint Amand. Prions, prions, prions, prions, Saint Amand. Mille vaches, vingt déos. Oui, oui, comme en été. As-tu mis ta vigne vierge, vierge, vigne frangine? As-tu mis l'amour du bon côté? Où tu auras, oui, oui, belle mine, dans la vie en rose que je te promets. Ah, oh, tu aimes les peintres flamands. Bien. Pauvre Arthur, et la chimie et le Mont Liban. Ah oui, le Mont Liban. Si je sais combien de centaines de milliers d'individus vont visiter ton mémorial de camp. Vois comment fondure ces rangées des voitures. À tambour et l'eau, alors misère, prions Saint Amand. Prions, prions, prions Saint Amand. La

Tu veux prendre quelque chose? Oui, je vais prendre... Est-ce que tu veux prendre du vin ou quelque chose de pas alcoolisé? Moi, je vais prendre une menthe à l'eau, je crois. Ah, moi aussi, ça. Ouais. Ouais, ouais. Deux menthe à l'eau. Oui, merci. Il fait trop chaud. Oui, c'est vrai, ça va faire du bien. Oui, oui, c'est... Ah, ouais? Ouais. OK, c'est trop... OK. Après. Ouais, oui, oui, ça, c'est vrai. Pasteur, encore. Faut dire qu'il est tôt un peu. Ouais. Ouais. Ah, je suis content de te revoir. Ben oui, ça fait longtemps. Oui, ben on s'est vu pour ton premier EP. Ben non, oui. Tu avais sorti un album en Égypte, ben, en égyptien. Oui, mais ça, on s'était pas vu. Non, on s'est vu après. Ouais. Avec la collaboration avec Philippe Catherine. Ouais. Et puis, j'ai suivi aussi ton travail, ton deuxième travail, parce que tu es chanteuse, mais tu es aussi styliste. Ouais. Et j'ai suivi, je suis allé sur ton site pour vérifier les nouvelles tendances. Oui. Est-ce que la COVID a été difficile pour toi? Oui et non. J'ai réalisé que c'était un moment où on s'est senti très, très unis avec toute l'équipe. Okay. Ça, c'était génial. Et chacun avait monté son petit atelier chez lui. Moi, j'étais en vélo là. La ville était vide. Ah oui. Et il y avait juste une personne à l'atelier et moi qui faisais des allers-retours. Tu as toujours des boutiques à Londres et puis. Non, on a fermé Londres au moment du Brexit. Heureusement, parce que je crois que là, ça serait une folie. Et non, on a réduit. Merci. Ce qui me permet d'avoir plus de temps pour faire des choses que tu voulais faire avant. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez périlleux d'avoir deux emplois où tu ne pouvais pas vraiment gérer totalement. Oui, exactement. Parce que t'étais à Paris. Ouais, exactement. Puis les temps sont difficiles, donc c'est pas si. Oui, il faut mieux être. On faire moins, mais mieux, et puis pas essayer, d'envahir le monde. C'est pas mon. C'est pas ton but. Non. Satisfaire les gens qui t'aiment déjà. Oui. Ah oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances 2022 dans le sous-vêtement? Oh, tu sais, moi, je suis pas les tendances, alors. Tu l'écris? Oui. Et blanc. Et blanc. Est-ce qu'il y a des tissus qui ont été modifiés par d'autres, parce qu'à chaque année, il y a des tissus que l'on prise et d'autres que l'on met de côté. Est-ce qu'il y en a cette année qui vont bien fonctionner? Ça ne faut pas me demander à moi. Je ne sais pas. Mais c'est toi qui les utilises pour faire tes... Oui, mais moi, j'aime bien... J'aime pas trop les tissus techniques ou les choses extrêmement modernes. J'aime bien... faire une architecture, tu vois, j'aime pas le tissu qui va permettre d'être super à l'aise. Okay. J'aime bien faire le dessin avec des coutures. Si je veux faire un sein pointu, je vais faire. Hein. Ou un sein rond, je vais le faire. Mais le tissu technique et tout ça, c'est pas ma direction. J'ai réécouté la bande de notre rencontre avant de revenir ici. C'est vrai? Oui, puis c'est drôle. Oui, ben je fais toujours ça, je me mets au diapason. Et j'avais oublié de poser une question que je veux te dire maintenant. Ouais. Est-ce que tu fais porter les vêtements avant des publiciser, avant d'en faire plusieurs exemplaires? Oui, moi je les porte. OK. Et c'est toi qui décides de... Ben oui, si c'est viable ou pas, si c'est confortable ou pas, si c'est intéressant, si c'est agréable surtout. Mais tu les portes une journée ou tu fais juste les... Ah non, je les porte, okay. Je les lave, je les porte. Je réfléchis, j'ai... Ah ouais. Normalement, le premier jet, est-ce que c'est celui-là qui reste... Pas forcément, parce que le premier jet, tu sais, le processus créatif dans la couture, il y a déjà un dessin, après il y a une matière... Donc, il y a un verre à soie, il faut qu'il soit en pleine forme, qu'il fasse un beau fil. Après, il y a un chimiste qui va colorer le fil. Il faut aussi qu'il soit bien en phase avec toi, sinon ça fait des allers-retours tout le temps. Ton blouson à franges et mes accroche-cœur. Tout de ce mélange au bruit du moteur. Après des détours, nous changeons de lieu. Je sens alentour que l'air est joyeux. Et tu m'emmènes à la fête foraine. Ta mobilette est tellement merveilleuse, car le plaisir est toujours une aubaine. Oui, le plaisir est une chose sérieuse. Tu touches à ta cible de ta carabine, c'est le point sensible, c'est irrésistible. Au palais des glaces, je veux tes baisers. N'étant pas de glace, la chose est aisée. Et nous voilà à la fête foraine. Ta mobilette est tellement merveilleuse, car le plaisir est toujours une aubaine. Oui, le plaisir est une chose sérieuse. Tamponneuse et tous les manèges, et encore un tour, pourvu que ça dure. Toujours amoureuse, je vois ton manège, tes paroles d'amour, la belle aventure. Et nous voilà à la fête foraine. Ta mobilette est tellement merveilleuse, car le plaisir est toujours une aubaine. Oui, le plaisir est une chose sérieuse. Chose sérieuse. Après, il y a le modéliste qui va interpréter le dessin. Après, il y a celle qui va monter. C'est assez long. Et après, il y a celle qui va l'interpréter, tu vois, qui va porter le vêtement, qui va l'incarner. Donc, entre l'émotion première où tu dessines quelque chose, où tu es surexcité de « ouais, ça va te va vraiment bien », et la fin, il y a plein d'étapes où ça peut rater. C'est ça que j'aime avec la musique. C'est oui. Que, surtout oh oui, le live, oui. C'est que... Oh oui. Même si tu te trompes, c'est pas grave. Ah ben non, on continue, puis surtout, l'émotion première, elle est là, tu la donnes blanc. Oui. Et c'est tout. Oui. Et l'autre, tu la prends telle qu'elle. Et ça, c'est assez... Je veux juste toucher encore un peu les sous-vêtements. Dis-moi. Après ça, on va parler de musique, ne t'en fais pas. Puis en plus, j'ai des histoires assez incroyables de ton dernier album qui vient de sortir à te raconter. Ah oui? Oui, oui, oui, c'est une histoire. Oh. Oui. Chouette. Donc, le sous-vêtement que tu présentes à chaque année, est-ce que tu fixes l'âge du vêtement? Est-ce que tu vois, exemple, que ce soutien-gorge-là pourrait être porté pour une femme de 30 ans, un autre sous-vêtement? Alors, non, pas du tout d'âge, mais des morphologies. Oh, okay. Et comme j'aime bien toutes les morphologies, tu vois, toutes les femmes différentes m'inspirent, je les trouve belles, qu'elles soient toutes petites, crevettes, toutes plates, très grandes, généreuses, tu vois, je sais pas, scandinaves, américaines, immenses, énormes, tout ce que tu veux, mais elles ont des besoins différents. Et donc, je travaille spécifiquement pour... les unes et les autres, mais je les suis d'âge en âge. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que maintenant, elles me suivent aussi et leurs filles me suivent aussi. Donc, il y a vraiment une histoire de reconnaissance, de transmission et de famille, tu vois, de famille, de style. C'est pas un style qui va envahir la planète, c'est vraiment destiné à celles qui comprennent. Celles qui comprennent, elles transmettent Tu vois, c'est... qu'elles éprouvent. Donc, elles peuvent retransmettre aussi le bonheur qu'elles éprouvent Est-ce que tu as créé... Oui, vas-y. Et puis, je ne fais pas que des sous-vêtements aussi. Oui. Tu vois, je fais des tenues tout entières. Vrai, donc, on parle surtout des sous-vêtements ça représente bien. Oui, voilà. Mais... est-ce que les vêtements que tu fais, donc on va abandonner ce vêtement, on va globaliser, est-ce que tout le monde a accès à ton travail? C'est vrai qu'il y a un truc qui est un petit peu sélectif, ouais. C'est le fait que ce soit cher. Mais c'est cher parce que c'est fabriqué à Paris. C'est fabriqué, les salaires français sont pas les mêmes que les salaires au Bangladesh. Et c'est à la main. Donc, tu vois, c'est accessible à tout le monde, mais il faut peut-être économiser un peu. Ouais. Tu fais du sur-mesure aussi? Ouais. Est-ce que ça te plaît de vérifier le corps des autres femmes et, ce qui me plaît, en fait, c'est... Tu sais, les femmes, elles sont vraiment toutes différentes. Il y en a des très longues, très grandes et très menues. Et tu mets la même robe, tu décides. Par exemple, moi, je suis toute petite. Si je dis qu'une robe sous le genou, c'est telle hauteur, bah, la fille qui fait 1m85, elle, ça va la faire une mini-robe. Donc, il y a un problème qui est facilement résolvable en faisant son midi à elle, son sous le genou à elle, en prenant ses mesures. Et donc, c'est, pour moi, l'élégance, elle est là, tu vois, la juste, bah, c'est ta hauteur, ta taille. Et on n'est pas obligé de correspondre à aux normes mondiales, tu vois, parce que ça... Il y en a de moins en moins. De normes? Ouais, c'est ça, exactement. J'espère. J'espère parce que, franchement, les Asiatiques sont pas faites comme... c'est normal, c'est les températures, c'est l'alimentation, c'est le... Aussi, là. Hein? C'est inné. Bien sûr. Le peuple asiatique est aussi. Ben oui, parce que le... Oui, oui, absolument. Et là, je vois que tu portes un vêtement ligné, oui. Mais à la verticale et à l'horizontale. Donc, ce que tu as placé, ça t'agrandit un peu, hein, c'est ça, hein, ça? Est-ce que ça fait en sorte que ça t'agrandit? Peut-être, tu trouves? Oui, oui. Peut-être. Est-ce que c'est voulu ou... Bien sûr que c'est voulu. Okay. Ouais. Alors, j'ai bien trouvé. Oui, t'as bien trouvé. Et j'aimerais que l'on parle de musique. Oui. J'écoutais une citation qui s'appelle Planète Plus. Est-ce que ça dit quelque chose? Planète Bleue? Plus. Planète Plus. C'est... Ah, Planète Plus. Oui. Non, ça ne me dit rien. Alors, il présente des documentaires. Et j'ai vu un documentaire sur un artiste qui crée des studios. Qui crée des mini-studios pour faire des photos. Ah, OK. Ma robe en soie n'a rien en soi de déroutant. À peine moulante avec un nœud sur le devant. Mais quand je pose ses reflets roses virent au violet. Et son volant vient froufrouter sur mes mollets. Ma robe en soie, ce n'est pas moi qui l'ai choisie. C'est une légende comme un bijou dans la famille. Elle a connu Baden-Baden, la Riviera, Monte-Carlo, la belle époque, l'Eldorado des casinos. Ma robe en soie est aux abois tous les samedis. Quand je l'enfile, je sens ses fils qui s'émoustillent. Ma robe en soie n'a rien en soi de déroutant. Sauf dans mes rêves, tu la soulèves si tendrement. Ma robe en soie, tu la soulèves si tendrement. Et à un moment donné, on arrive dans un studio qui venait tout juste de finir. Il nous l'a montré en exclusivité et c'était le studio de ta pochette. Ah bon? Comprends-tu ce que je veux dire? Parce que oui? Tu as demandé à quelqu'un de te faire un environnement... Ben, c'est Pierre et Gilles qui ont fait la pochette. Oui, exactement. Donc c'est eux qui ont créé le décor. Oui, et nous avons vu le décor à Planète Plus. Ah! On a vu le décor et on a vu la pochette une fois terminée. Ah d'accord, donc il l'a vu... Oui, c'est un documentaire sur leur travail. Ah oui, sur le travail de Pierre et Gilles. Oui, exactement. D'accord. Et on a vu ton décor. Ah oui, d'accord. Et on a vu la photo que tu as donnée. Fini. D'accord. Le tableau. Et là, je suis tombé par terre, bien sûr, parce que j'ai dit, ben, je la connais. Puis là, je suis allé voir, parce que le disque n'était pas encore sorti, donc c'était une primeur. D'accord. Et là, je suis allé voir, et ton disque sortait 2 mois plus tard. Uh-huh. Donc, je me le suis procuré. Oui. Je l'ai écouté. Oui. Et c'est quelque chose d'assez unique. C'est vrai. Oui. Es-tu contente du son? Ça sonne. Alors, écoute. Je suis contente que tu dises ça parce que je trouve le son particulièrement clair. Oui. Et quelquefois, j'aime bien les choses un peu... Je sais que ma voix est très claire. J'aime bien un peu plus crade. Tu vois ce que je veux dire? Un peu moins parfaite. Oui. J'aime bien le truc. Je suis en train de descendre le disque, non, tu non, sais. Non, pas du tout, pas du tout. Bon. Non, hein, je ne le descends pas. Nirvana, non, il est parfait. Le grunge de Nirvana, c'est pas détruire un album en disant qu'il faut que la musique soit ce qu'elle est. Donc, le style, ce qu'il est. Puis la sonorité aussi, c'est toi qui donne la couleur. Oui, oui, oui, oui. Mais ça sonne très bien. Bah, tant mieux, tant mieux. En es-tu fière? En fait, je suis assez... Je suis contente d'avoir enfin écrit des textes. Oui, oui, oui. Parce que avant, bah, j'avais toujours besoin des autres. C'est pour ça que Philippe, voilà, Catherine m'avait aidé et d'autres. Mais écrire soi-même, ça m'a pris du temps. Maintenant, je vais aller plus vite hein, parce que je ne vais plus avoir trop de temps. Non, mais là, tu sens l'appel du micro, tu sens le nouvel album arriver parce que tu as comme eu la piqûre. Parce que ouais. En même temps, je suis capable de le faire, je vais y aller à fond. Ouais, exactement. Et ça t'a pris tout ce temps-là pour en arriver à écrire toi-même tes... Oui, mais aussi parce que comme la couture est assez chronophage, avec ce système de saison tout le temps, il faut recommencer et tout... C'est pour ça que décider d'en faire moins, tu vois, fermer la boutique de Londres, faire des choses comme ça, se dire, bon, mais on est indépendant, on fait ce qu'on veut, on peut très bien, tu vois, modifier la voilure et prendre un sens contraire ou différent ou aller ailleurs. Et faire confiance à ceux qui t'entourent aussi. Oui, exactement, ils sont là avec moi depuis longtemps. Il y a des petits jeunes qui sont géniaux, qui sont arrivés, alors franchement, ouais. La relève est là. La relève est là, et puis moi... Ils peuvent t'épauler. Oui, ils peuvent m'épauler, ouais. Et puis je trouve intéressant aussi d'avoir plusieurs moyens d'expression, mais à ce moment-là, d'y aller à fond. J'aimerais revenir sur ta pochette. Ouais. Qui t'a amené ces deux amis-là, ces deux créateurs-là? Pierre et Gilles, je les ai rencontrés, j'avais 23 ans. On s'est rencontrés tout de suite. En fait, c'était assez curieux parce qu'on aurait pu se rencontrer par des amis en boîte de nuit ou, tu vois, au palace ou je sais pas. Et on s'est rencontrés, c'était à l'occasion de l'ouverture des arts décoratifs. À l'époque, c'était Jacques Lang qui était ministre de la Culture. C'était la première cigarette que je fumais dans ma cachette. Évidemment, elle m'a fait tousser et c'est pour ça que j'ai recommencé. C'était ma première cigarette et c'était loin d'être la plus chouette. Comme tout ce qui est bon dans la vie, on ne le sait que quand on en a repris. La première coupe de champagne, c'était pas le goût du champagne. Et le premier verre de bière, c'était pas le goût de la bière. Mais la première fois que tu m'as embrassé au cinéma, c'était la première fois, mais ça avait déjà le goût de toi. Comme ma dernière cigarette que j'ai fumé dans ma chambrette, évidemment tu l'as allumée, c'est pour ça que je l'ai adorée. C'était ma dernière cigarette et c'était vraiment la plus chouette. Comme tout ce qui est bon dans la vie, je ne le sais que quand tu es ici. Pam padam padam, pam padam padam. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. C'était ma dernière cigarette que j'ai fumée dans ta chambrette. Évidemment, tu l'as allumée et c'est pour ça que je l'ai adorée. C'était ma dernière cigarette et c'était vraiment la plus chouette. comme tout ce qui est bon dans la vie, on ne le sait que quand on en a repris. Et Monsieur Mitterrand qui venait d'arriver. Et en fait, c'était un c'était juste pour lui, eux, le ministère. Ils étaient 15. Et il y avait une expo photo qui était Pierre et Gilles, un concert de Rita Mitsouko et un défilé de Fifi Chachnil. Et juste pour comment eux. Comment tu nommes ton langue? Parce que j'ai beaucoup de difficultés. Fifi Chachnil. Chachnil. En fait, c'est un nom inventé quand j'ai chanté en égyptien. Oui. Mon nom, il est beaucoup trop français. Okay. Donc, ça y est, je prends l'accent. Ça faisait pas international. Je prends ton accent maintenant. Oui, oui. C'est bien, c'est bien. Alors, attends. Oui, voilà. Donc, Chachnil, c'était pour chanter en égyptien. Que j'ai pris, après, je l'ai gardé. Je trouvais ça joli. Et puis pour ton travail, est-ce que tu gardes ce nom-là? Oui, j'ai toujours gardé ce nom-là. Après, j'ai rajouté Fifi pour la lingerie, et puis voilà. Et ça fait un peu foufou, Fifi. Ouais, Fifi, tu sais, ça représente vraiment Paris, le Moulin Rouge. Et en fait, c'est une idée, c'est plutôt l'idée qu'on a de la danseuse... de French Cancan, mais vu par les Américains, parce que c'est Fifi Popesh, tu vois, c'est Mae West, en fait, c'est... C'est une autre époque. C'est une autre époque, mais j'aime bien cette époque. Oh, oui, ça reste très actuel. Oui. Oui. Et donc, ces deux garçons-là, tu les as connus? Alors, je les ai connus, j'ai vu leur travail, je suis tombée en amour de leur travail, et nous, humainement, on est tombés amis pour toujours, même on dit volontiers qu'on est frères et sœurs. Mais tu sais, les histoires de famille artistique, une fois que tu te trouves, après, ben oui, j'ai fait plein de... Il y a énormément d'images qu'ils ont fait avec mes vêtements. Et récemment, j'ai fait une expo rétrospective, tu vois, t'as vu ça? Et je voulais présenter les costumes avec leurs images. Pas c'est juste bien. Des costumes, non. Tu vois, avec un... Mettre le concept. Exactement. C'est très conceptuel. Et puis qu'on est... Puisque pour moi, le vêtement, il existe que s'il est incarné, il n'existe pas dans une penderie, veut rien dire. Il n'y a pas de vie. Mais il n'y a pas de vie, voilà. Et alors... Noctambule, je fais des bulles de savon qui se posent sur les paillettes, sur les vestons. Noctambule, j'invente les bulles de cocagne, mais surtout, je bois les bulles du champagne. Je joue ma vie sur un tapis semé d'étoiles. Je déambule de rue en rue, de balle en balle. La nuit, j'envoie plein de messages à l'océan, et un à un, je compte les grains de sable blanc. Noctambule, je fais des bulles de savon qui se posent sur les paillettes, sur les vestons. Noctambule, j'invente les bulles de cocagne, mais surtout, je bois les bulles du champagne. La nuit, c'est l'heure où les voleurs parlent d'amour, sur les terrasses, les canapés, sur du velours. La nuit, je fais des bouts d'essai, des entrechats. Pour t'oublier, j'ai tout tenté, ça marche pas. Noctambule, je fais des bulles de savon qui se posent sur les paillettes, sur les vestons. Noctambule, j'invente les bulles de cocagne, mais surtout, je bois les bulles du champagne. Mais surtout, je bois les bulles du champagne. Après, c'était une histoire de choix de photos de Pierre et Gilles que j'allais montrer, pas que de eux, mais toute une partie, parce que vraiment, depuis... que je les ai connus jusqu'en... jusqu'encore maintenant, puisqu'ils ont fait la pochette. Alors, finalement, on a toujours fait des choses ensemble. Le disque est sorti en 2021, si je me rappelle. Alors, il est sorti pile au moment du confinement. OK. Donc, il n'est pas sorti. C'est pour ça qu'en 2021, on peut dire qu'il est sorti. Et il est sorti quand? Ben, on ne sait plus maintenant. Okay. On sait... Okay. Finalement, il est sorti. Il n'y a pas de date officielle. Il n'y a pas de date officielle. Moi, ce que j'aimerais... en fait, la première fois où on a fait un concert avec ce disque-là, de ce répertoire-là, c'était à Alençon pour le vernissage de l'exposition. Okay. Et c'était génial. Ça nous a donné mais vraiment juste envie de le refaire. Ouais. Parce que c'est beaucoup de boulot de faire. Oh. Ah, hein? Surtout pour un seul spectacle. Exactement. Pourquoi ça s'arrêterait là? Exactement. Ouais. Surtout quand les gens sont vraiment contents. Tu sais, ils s'attendaient à rien, ils ne connaissaient pas. Et ils étaient ravis, oh là là. Qui fait la musique? Alors, beaucoup de musiques sont faites par Jean-Pierre Stora, ouais, qui a fait les musiques de, il y a 10 ans, du premier EP, oui, tu vois. Ce monsieur qui écrit qui compose magnifiquement bien, tu sais qu'il a composé pour Jeanne Moreau, oui, Dalida. Exactement. Et beaucoup les années 60, il était très, très en avance, 60-60. Voilà. Et il est toujours très actif. Et là, donc beaucoup de musique de lui. Et puis encore de Philippe. Sur cet album-là, il n'en a fait qu'une seule, écrite et composée. Puis une autre qui chante avec moi. Ouais, un duo, effectivement. Comme alors un duo. Et puis après, on a refait là récemment un autre duo. Ok. Mm. Qui a été en disque? Non, il va, je sais pas comment le sortir, mais on a fait un clip. Okay. Alors on va le sortir. Peut-être dans un maxi ou... Oui, c'est ça. Oui, un maxi. J'ai commencé comme ça. Ah, c'est oui, drôle, un maxi. Ah, oui, oui. Bah ouais. Le maxi 45 tours. Oui, c'est légendaire. Ouais. Puis ça revient, hein, le vinyle revient, donc le maxi aussi. Ouais. Ouais. Moi, je trouve ça très beau. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Joli. Ah oui, c'est une belle grosse pastille ouais, représentative. Hein? Ouais. La pochette est belle parce qu'elle est plus grosse. Oui. On peut toucher, on peut ouais, sentir. On peut regarder un oui, peu de loin comme effectivement, ça. Effectivement, il y a certains disques qui s'ouvrent. Oui, comme un livre, aussi. Le maxi qui s'ouvre, alors là. Oui, ça, c'est la totale. C'est la totale. Est-ce que, à quel moment tu t'es dit, je vais prendre le crayon pour écrire, je suis capable d'écrire? Eh bien, quand Jean-Pierre Stora m'avait donné tellement de morceaux de composition, de musique, mais tellement belle, que là, je me suis dit, ma fille, tu ne vas pas dépendre toujours des autres. Philippe, il a autre chose à faire. Ouais. Les autres, ils se disent, enfin, je ne vais pas comme ça. Si, il y a un autre auteur magnifique qui s'appelle Pascal Mounet, qui m'a écrit des chansons aussi, sur le premier et sur le deuxième. Et puis, mais c'est agréable, j'aime bien être indépendante en fait. Comme dans ton travail de styliste. Ouais. Et en fait, bon. T'es ma poule de Brooklyn, t'es ma boule jolie fille. Tu les roules comme des billes, tu les boules comme des quilles. T'es ma souris de Paris, t'es ma toupie qui s'ennuie. C'était un beau jour de pluie, celui où tu m'as dit oui. T'es ma poupée de LA, t'es ma beauté qui paraît si fragile et qui le sait, qui vacille et qui le tait. T'es ma poule de Brooklyn, t'es ma souris de Paris. Quand j'ai froid, je mets un pull de ski. Et toi, tu nous sers un whisky. Mais quand j'ai froid, je mets un pyjama. Ou bien là, c'est toi qui me prends dans tes bras. T'es bien ma fée du Far West. Quand bien même tu te détestes, je te dirai sans conteste que t'es bien mieux que mes West. Mais un jour tu es parti, sans doute je t'ai pas assez dit que je t'aimais, assez dit que tu comptais. T'as rendu ton tablier, tu me laisses à mon sablier, comme si j'avais pas compté, comme si je pouvais t'oublier. T'es ma poule de Brooklyn, t'es ma souris de Paris. Moi, quand quand j'ai froid, je mets un pull de ski. Et toi, tu te sers un whisky. Mais quand j'ai froid, je mets un pyjama. Ou bien là, c'est toi qui me prends dans tes bras. T'as rendu ton tablier, tu me laisses à mon sablier. Comme si j'avais pas compté, comme si je pouvais t'oublier. À quoi sert de compter le temps s'il n'existe qu'un instant pour savoir qu'en ce moment se prépare notre présent. Mais je sais qu'au paradis se retrouvent les souris et je remercie la vie de nous avoir réunis. T'es ma poule de Brooklyn, t'es ma chérie pour la vie. Même si c'est un travail d'équipe après, parce que je dessine, je décide, ok, mais on est plusieurs. Quand même devant ton papier, voilà. Que ce soit dans l'écriture ou dans le style. Exactement. Mais c'est génial d'écrire. C'est laborieux, hein. Quelquefois c'est laborieux et quelquefois. C'est la magie. Oui. Ouais. Mais de toute façon, ça vient d'un vrai rendez-vous. Il faut se mettre au boulot, c'est sûr. Ça vient pas comme ça, ça va me venir. Non, ça va pas venir comme ça. Il faut s'arrêter, prendre le temps d'être bloqué ou de laisser venir. Être disponible devant l'écriture. Exactement. Est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? C'est une super bonne question parce que je crois que c'est indissociable. En fait, l'idée n'existe que si elle est formulée. Donc, l'idée n'existe que si le mot existe. Et le fait de chercher le bon, c'est ça qui va rendre l'idée plus ou moins intéressante. C'est ludique aussi, jouer avec les mots, changer de mot, parce que celui-là ne convient pas, ne sonne pas bien. Oui, aussi. Il faut que tout ça sonne, parce que c'est de la musique, c'est pas... Exactement. C'est comme la poésie, si ça sonne pas. Exactement. Ça tient pas le coup. Et puis si c'est difficile à dire, ou si ça fait que des S, ou des M, ben, si t'as pas de consonne agréable à chanter... C'est une musique, la langue. Ben oui, ouais. Quelle est ta première chanson de... que tu as écrite? Je sais pas. Tu avais plusieurs chansons préparées, donc oui. Pas vraiment, ouais. Ouais. Plusieurs idées, je pense que sur mon carnet, j'avais plusieurs idées que j'avais envie de développer. Et je ne sais pas trop dans quel ordre je les ai prises. Je ne saurais pas trop te dire, mais je me demande si je n'ai pas commencé à travailler une autre, repris. C'est peut-être comme ça. Sans en terminer une, tu en commences oui. Une autre. Ouais. Ah, oui. Es-tu comme ça dans ton travail de styliste? Oui. Oui, parce que je fais tous les dessins et après, bah, on en prend un, on laisse reposer, on le laisse monter, après on prend un autre, on commence un autre, on essaye des matières, tu vois, on essaye plusieurs choses en même temps, une forme, une matière, un essayage, un truc, donc oui, ouais, ouais. Tu prends des photos quand le monde est peu chiant, quand t'y vois plus que pouic, tu sors ton numérique et clic-clac, les touristes joyeux équilibrisent, clic-clac, clic-clac. Le monde est redevenu clic-clac. Un métro pas normal, le cheval, la moto, un clodo, L'Oréal, la maison en croco. Et clic-clac, les artistes, joyeux comme des juristes. Clic-clac, clic-clac, le monde est redevenu clic-clac. Je vois tes photos quand mon monde est un peu chiant. Quand j'y vois plus que pouic, je sors ton numérique. Et clic-clac, la juriste qui s'éclate sur la piste. Clic-clac, le monde est redevenu clic et clac. redevenu clic et clac. Et le jeu de scène, tu as appris à aimer ça, tu as appris à présenter tes chansons, à les mettre en scène. Ah, j'adore. Mais ça, je savais que j'adorais parce que dans... Justement, en me retournant sur mon travail pour extraire vraiment ce qu'il y avait de mieux, tu vois, ce que j'avais envie de montrer, c'était tous les défilés que j'ai faits, mais les défilés que j'ai faits, c'était des vrais shows, en fait. Tu vois, c'était au cirque, à la patinoire, et puis dans tous les cabarets, au Crazy Horse. En fait, j'adore le show, j'adore la scène. Alors, tu es conceptuel, tu sais très bien ce que tu veux. Ah oui, au niveau de la lumière, ou de remplir l'espace, ou de... J'adore ça. Et là, c'était vraiment agréable autrefois, parce qu'on était en résidence avant, donc on avait le temps de placer les choses. De placer les choses, tu vois, de se voir, de voir la lumière, de dire ouais. Es-tu une traqueuse? Écoute, je croyais que oui. Je croyais que j'étais traqueuse parce que j'ai peur de perdre la mémoire. Okay. J'ai peur d'oublier les paroles. J'ai peur du trou total. Et en même temps, je me suis rendu compte que finalement, non. Alors pendant tout le concert, je mettais les lunettes, j'enlevais les lunettes, je remettais les lunettes, j'avais les petits papiers, tu vois. Mais je me suis rendu compte que finalement... Bon, à force de faire des concerts, mine de rien, j'ai fait plus de concerts que d'albums. Ouais. Et ben, le premier concert, je les ai fait avec des... Tu sais, par terre, j'avais mis des papiers géants. Ouais, ouais, ouais, avec le texte. Ouais, avec le texte. Plusieurs artistes font ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, j'ai abandonné. Hein. Mine de rien, je commence à les savoir. Et là, pendant le concert, j'étais étonnée, je me suis étonnée. Et ça puis, fait... c'est pas grave, hein. Quand on se trompe, on reprend. Ouais, puis les... Ah. Ah oui, moi, je suis très comme ça. Hein. Okay. J'arrête tout le monde. Je le dis, c'est bourré. Mais en même temps, c'est un jeu. La chanson, c'est un jeu. Le spectacle est un jeu. Mm. Donc, pourquoi se prendre la tête? On est là pour avoir du plaisir. Exactement. Et puis en plus, le public, ils sont tellement mignons, ils sont tellement gentils. Tout le monde adore quand l'autre se trompe. Pourquoi on aime bien les gens qui se cassent la figure sur une peau de banane? Ouais. Bah, on ne sait pas. On devrait se dire, bah, on est inhumain, on est méchant, hein, l'homme est méchant. Non, on n'est pas méchant. C'est que on est tous pleins d'imperfections. Alors le reconnaître chez l'autre, le voir chez l'autre, bah, c'est rassurant. Donc eux, ils sont dans leur siège, ils sont bien tranquilles. Puis toi, tu te cours. Alors ils sont très contents parce que toi tu t'en fous en fait. L'humilité de plaisir. Oui, c'est ça. Je leur dis, attendez, on va faire bien, on va recommencer et tout. Je veux pas. Puis voilà. Mais ton travail de scène, est-ce que tu écris tes chansons pour les transporter après sur scène? Est-ce que tu mets des mots qui sont scéniques? Pas forcément. Mais j'ai fait le tour du monde deux ou trois fois. J'ai vu que le monde, c'était là. Juste dans tes bras, pas à côté ni là-bas. Juste dans tes bras, c'est bien là. C'est pas très grand, mais c'est là que le monde dormira comme un petit chat. Les montagnes et l'océan, tous les bâtiments. Juste dans tes bras, pas à côté ni là-bas. C'est bien là, c'est pas très grand, mais c'est là. Juste dans tes bras, quand tu seras mort, j'y serai encore.